dit-il. Mais dis chéri, qui j'aime aimer. Nous toujours me rencontrer une belle petite. Mais dis chéri, qui j'aime aimer. L'idée la prendre à parler français. À la prendre à parler français avant que je danse avec vous. Moi je vois nos vieux professeurs marrons. Il dit la paix, mon train parler français. Moi je vois nos vieux professeurs marrons. Il dit la paix, mon train parler français. Pour seule parole, pour dire bébé. Pour seule parole, va dire, tout pareil va régler. Ainsi, fon. Les bayous et les voyelles. Aïe aïe aïe chérie, va couper mon vin Gabriel. Ainsi fon. Les vous et les voyelles. Aïe aïe aïe chérie, va couper mon vin Gabriel. Avant que je danse avec vous, moi je vois nos vieux professeurs marrons. Ils disent la paix, mon train parle français. Moi je vois nos vieux professeurs marrons. Ils disent la paix, mon train parle français. Pour seul bagaille, pour dire bébé. Pour seul parole, va dire, et tout pareil va régler. Ainsi, fon. Les bayous et les voyelles. Aïe aïe aïe chérie, va couper mon vin Gabriel. Ainsi fon. Les bayous et les voyelles. Aïe aïe aïe chérie, va couper mon vin Gabriel. Oh,